50 languages. 24. 24. الموعد. Le rendez-vous. Le rendez-vous. هل فاتتك الحافلة؟ As-tu raté le bus? As-tu raté le bus? لقد انتظرتك لنصف ساعة. Je t'ai attendu pendant une demi-heure. Je t'ai attendu pendant une demi-heure. ألا تحمل هاتفا جوالا؟ As-tu oublié d'amener ton portable avec toi? As-tu oublié d'amener ton portable avec toi? كن دقيقا في موعدك المرة القادمة. Sois plus ponctuel la prochaine fois. Sois plus ponctuel la prochaine fois. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Prends un taxi la prochaine fois. Prends un taxi la prochaine fois. في المرة القادمة اصطحب معك مظلة ضد المطر. Amène un parapluie la prochaine fois. Amène un parapluie la prochaine fois. غدا عندي عطلة. Je suis libre demain. Je suis libre demain. هل سنلتقي غدا؟ Pouvons-nous nous rencontrer demain? Pouvons-nous nous rencontrer demain? يؤسفني. غدا لا يناسبني. Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. عندك خطط لنهاية هذا الأسبوع؟ As-tu prévu quelque chose ce week-end? As-tu déjà prévu quelque chose ce week-end? أم أنك على موعد؟ Où as-tu déjà rendez-vous? Où as-tu déjà un rendez-vous? أقترح أن نلتقي في نهاية الأسبوع. Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. أترغب في القيام بنزهة؟ Voulez-vous faire un pique-nique? Voulez-vous faire un pique-nique? هل نذهب إلى الشاطئ؟ Voulez-vous aller à la plage? Voulez-vous aller à la plage? هل نذهب إلى الجبال؟ Voulez-vous aller à la montagne? Voulez-vous aller à la montagne? سأمر لأخذك من المكتب. Je viens te chercher au bureau. Je viens te chercher au bureau. سأمر لأخذك من المنزل. Je viens te chercher à la maison. Je viens te chercher à la maison. سأمر لأخذك من موقف الحافلات. Je viens te chercher à l'arrêt de bus. Je viens te chercher à l'arrêt de bus.